Mauvais matin, je pète un plomb, mon cœur est froid, j'écris des lignes, inspiration du macadam, je suis parti dans un délire. J'ai des pensées pour des choses qui m'ont hanté, qui m'ont tenté à faire du rap pour m'écouter sur les antennes. Ça n'est pas rose, alors j'avance, les phares éteints, on me regarde bizarrement, et là je lis, ce gars est dingue. C'est mes tensions qui m'ont conduit au psychologue, et la bouteille de whisky m'a donné le nom de Piccolo. C'est rigolo car je souris mais ça va pas, à la pipi, à la mifa, merci d'être là quand ça va mal. Tout le monde sait que dans le nord c'est la galère, que mon petit crève est dans le ciel, que Amadou est en calèche. Maman m'a dit que le futur est dans la soie, et puis un soir j'ai prié pour pas mourir dans la soif. La vie est courte et me réserve des étapes dans des états impitoyables, je veux pas finir dans du bétail. J'ai pas gagné mais je combats comme un soldat, comme un zona qui traîne sa peine, en finir comme un sauvage. La délinquance est un passage que l'on connaît, trouver du taf c'est difficile donc les délits on les commet. J'ai vu des gosses voler du pain pour se nourrir, et toxico se piquer ça, les bras à l'air pour se pourrir. J'ai pris le rap et puis l'inspi comme on me semble, et je ferai du son magique tel un humain, fais un don de sang. Dans la vie, on a tous nos étapes, on est tous en état de finir en détail comme on dit. Y'a des hauts, y'a des bas, je peux être inconnu, mais demain dans les bacs. Dans la vie, on a tous nos étapes, on est tous en état de finir en détail comme on dit. Y'a des hauts, y'a des bas, je peux être inconnu, mais demain dans les bas. J'étais ado, j'avais le choix entre calibre et peu implique de taffer dans le pora, dans le braquage de la Binks. C'est dans la rue que j'ai appris ce qu'est un frère, j'ai grandi dans le béton, j'ai appris ce qu'est un fait. En maternelle, on apprend à parler, dans nos quartiers c'est pas la même, on apprend à t'armer. Acharné pour la plupart dans le décor, je me rappelle que j'entendais on veut pas d'eux dans nos écoles. C'était l'époque où les grands frères étaient des bâches, leur délinquance est terminée, mais pour les autres c'est le départ. Le départ d'une vie sous les capuches, dans les cœurs des honnards, t'es la bienvenue chez mes crapules. Ouais, égal G, Atosic Nord, production, c'est ça, 2008, ok. Dans la vie, on a tous nos étapes, on est tous en état de finir en détail comme on dit. Y'a des hauts, y'a des bas, je peux être inconnu, mais demain dans les bacs. Dans la vie, on a tous nos étapes, on est tous en état de finir en détail comme on dit. Y'a des hauts, y'a des bas, je peux être inconnu, mais demain dans les bacs. Dans la vie, on a tous nos étapes, on est tous en état de finir en détail comme on dit. Y'a des hauts, y'a des bas, je peux être inconnu, mais demain dans les bacs. Dans la vie, on a tous nos étapes, on est tous en état de finir en détail comme on dit. Y'a des hauts, y'a des bas, je peux être inconnu, mais demain dans les bacs.